capsule rock metal avec Dominique No. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette première édition de la capsule rock metal. Mon nom est Dominique No, en direct de la décrépitude de grand-mère. Je voudrais d'abord remercier mon ami Alain Lefebvre, le Rockmaster, de me donner l'opportunité de faire une chronique à son émission Rock Classique. C'est vraiment gentil, je l'apprécie grandement. Merci pour sa confiance. Pour cette première chronique mondiale, je vais vous parler du groupe King Gizzard and the Lizard Wizard. C'est un band que je suis en train de découvrir. En pleine ébullition, en pleine découverte de ce band-là, qui viennent justement de sortir un 26e album et il y a un mois environ, le 9 août 2024, sortait leur album intitulé Flight B-741. Donc, fidèles à eux-mêmes, King Gizzard sort des sentiers battus, ont toujours fait toujours ce qu'ils veulent. T'sais. C'est un groupe qui nous vient de Melbourne, en Australie, qui a été formé en 2010, puis il faut dire qu'au début, c'était un gros jam, des gros jams sales là, que les gars faisaient dans un local. Puis c'est à la suite d'un ami qui est venu les voir, qui lui a offert de faire un premier spectacle organisé, si on veut. Les gars n'avaient pas de nom, mais c'est des gros tripeux, des Doors, puis des trucs du genre. Fait que Stu McKenzie, qui est le leader du band, dit on pourrait s'appeler Gizzard Gizzard, lui c'était son idée. Un autre est arrivé avec l'idée d'appeler ça Lizard King, en hommage à M. Morrison bien sûr. Et finalement ça a fini par un compromis, ça a fini en King Gizzard and the Lizard Wizard. Et leur premier spectacle a été fait en 2010 à Melbourne en Australie. Faut dire que depuis 2010, c'est un groupe qui a sorti 26 albums. Flight B-741 est leur 26e album. Non, en 14 ans, 26 albums. On ne connaît pas beaucoup de groupes de nos jours qui sont aussi productifs. Faut penser que King Gizzard a sorti 5 albums en 2017 ainsi que 5 albums en 2022, ce qui est vraiment incroyable. Et puis là, on pourrait se dire, ben là, à sortir 5 albums de même par année, ça doit être de la boîte. Non, non, non, il faut faire bien attention, parce que c'est de très grande qualité, et c'est pas évident à comprendre qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est qui ça, ces gars-là? Les gars de King Gizzard and the Lizard Wizard. Donc, c'est Ambrose Kenny Smith au keyboard, qui en passant est un excellent chanteur, hein, je vais vous le dire. Il y a Joey Walker à lead guitar, il y a Coug Craik, qui est à guitare aussi, qui est en avant-scène avec M. McKenzie, qui est aussi compositeur pour les lyrics, les paroles. Michael Cavanaugh au drum, Lucas Skinner à la bass, et bien sûr, le frontman, Stuart McKenzie, alias Stu, qui lui est le génie créatif de ce groupe-là. C'est lui qui est en avant, c'est le chef d'orchestre de cette band-là. Mais ce qui m'a amené... Excusez-moi. Ce qui m'a amené à King Gizzard, ça n'a pas été facile. Parce que faut dire que la première fois que j'ai entendu ça, c'était Alain qui passait ça à Rock Classique. Puis lui, il a tout le temps trippé. Puis moi, je comprenais vraiment pas pourquoi qu'il trippait là-dessus. Je trouvais que c'était des chansons, tu sais, à un moment donné, quand c'est tout le temps le même riff, que ça fait 5 minutes, que c'est la même patente, puis que t'es un peu révulsé par ça, ça te tente pas, t'embarques pas, puis t'as pas vraiment le goût d'embarquer non plus, parce que ça te déplaît là, au plus haut point. Fait que c'était un peu ça, puis ça me passait, rentrait dans les oreilles, puis ça sortait de l'autre bord. Puis à un moment donné, on était chez des amis, puis on buvait des bières, puis à un moment donné, on se switchait le Bluetooth l'un l'autre, puis un de mes amis dit... On va mettre du King Gizzard. Fait que là, il m'a King Gizzard. Puis là, j'étais vraiment... Là, vraiment... Là, je comprenais vraiment rien. Là, je disais, je peux pas comprendre comment que du monde, ils peuvent écouter une tourne, ça dure 5 minutes, c'est tout le temps la même affaire. Moi, je suis un métalleux, tu sais, je veux dire. J'embarque pas vraiment là-dedans. Fait que J'étais vraiment, là, je voulais vraiment, on va le dire en bon français, là, je voulais rien savoir d'eux autres, là, rien savoir. C'était pas mon truc, pas de minute. Fait qu'à un autre moment donné, alors en allant voir un de mes amis, qui est le bassiste de Grisard, pour pas le nommer, il me dit King Gizzard, ça c'est l'an passé, King Gizzard vient de sortir un nouvel album, un album métal. Oh! Un album métal! Eh ben, je sais qu'ils tirent dans toutes les directions. King Gizzard, ils ont toujours fait ce qu'ils voulaient, là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Fait que, ouais, un album métal. J'ai dit, on va l'écouter. J'avais mon téléphone, fait que... Puis là, le titre de cet album, attention, là, ça pourrait me prendre 5 minutes le nommer, mais le titre de l'album de l'an passé s'appelle Petro Dragonic Apocalypse or Dawn of Eternal Night in Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation. Hein? C'est un beau porte-bonheur, ça. Fait que je mets ça l'an passé. À la première tune, je fais « Oh! » Non, là, je pogne de quoi, là? Là, je tombe en bas de ma chaise, là. Deuxième tune, « Wow! » Troisième chanson, « Ben voyons donc! » Ça sonne tellement old school, là, on dirait un peu du Ministry, ça a un côté un peu comme ça, là, industriel, ses bars, puis là, tout en jasant, écoute ça, pis, là, ça vient me chercher, là, vraiment, ça vient me chercher. Puis, Stu McKenzie l'a dit, cet album-là, Petro Dragonic, on va l'appeler comme ça, là, vous allez savoir de quoi je parle, là. Cet album-là, Petro Dragonic, c'est un album pour les métalleux. C'est ce qu'il a dit. Puis, c'est vrai, puis, c'est tellement vrai, dans le fond, que grâce à ça, ils ont réussi à venir me chercher. Grâce à ça, j'ai réussi à comprendre le trip de cette band-là, qui est King Gizzard and the Lizard Wizard. Puis là, je me suis mis à écouter l'album. Il y a des bouts, là, comme la chanson Dragon, en particulier, là. C'est du rush. Les structures sont compliquées, ça va vite, ça tire. Quand je dis que c'est quasiment du rush, j'exagère rien, là, c'est vraiment époustouflant d'entendre ça, la tune Dragon en particulier. Fait que j'ai embarqué là-dedans ben raide. Fait que quand le nouvel album est sorti, moi je suis abonné à YouTube Premium, fait que j'ai tout accès aux nouveautés, je me fais nourrir, je me fais feeder. Fait que là, je vois le nouvel album Flight B-71. Puis, 741, excusez-moi. Puis là, sur la pochette, c'est un avion. C'est une espèce de quadriplan, si on veut. Parce qu'il y a 4 ailes superposées en bois. C'est un avion en bois. On dirait que c'est fait avec des 2x10, là. Sur chaque aile, sur la première en bas, la deuxième et la troisième, il y a un cochon sur chaque aile. Puis il y a 2 cockpits, il y a un cockpit en bas et un cockpit en haut où il y a encore 2 cochons. Mais il n'y a pas de cochon, par contre, sur l'aile du haut, l'aile supérieure, probablement pour la portance. L'hélice a l'air d'être faite en madrier. Il y a 3 hélices, donc il y a la grosse hélice en avant de l'avion. Et puis il y a les 2 petites hélices qui sont sur les ailes. Puis là, on voit l'avion de face. Et puis sur la pochette, l'avion vole, parce que l'avion est dans les airs. C'est incroyable, mais... Elle vole cet avion, ou il vole cet avion. Donc, ça, c'est la pochette. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. Puis toutes les pochettes sont belles. Puis c'est tout le même gars qui s'appelle Jason Galea. C'est tout lui qui a fait les pochettes de King Gizzard depuis le début. Donc, je me mets à écouter ça. Puis là, je sais que ça sera pas un album de métal. Je les connais un peu, tu sais. Fait que... on a toutes sortes de mélanges là-dedans. Il y a du Zappa. Comme dans Mirage City, la première chanson, on créerait que c'est du Zappa. Les harmonies vocales sont absolument incroyables. Tu sais, c'est comme les Beatles, c'est un peu comme Crosby, Stills, Nash, côté harmonie vocale. C'est vraiment fantastique, là, extraordinaire. Là. Mirage City, en partant, ça me rentre dedans parce que j'adore ces genres de musique-là. J'adore les back vocals, surtout ceux qui font les Beatles. Donc, quand il y a des harmonies vocales, moi, je trippe. Sur la deuxième chanson, Antarctica, c'est tellement drôle parce qu'on voit que c'est des old school, tu sais, des tripeux de vieille musique. Donc, on parle des Doors, on va parler des Rolling Stones, on va parler de Frank Zappa. C'est tout un amalgame de tous ces trucs-là qui sont ensemble. Et puis là, sur la deuxième chanson, Antarctica, au début, il y a un orgue, des espèces d'orgues à air, là, soufflé, qui ressemble beaucoup au début de Strawberry Fields des Beatles. Là. On jurait que c'est la même espèce d'orgue, là, un peu comme qu'on avait... à l'époque, là, qu'on avait un piton sur le côté qu'on ouvrait, puis ça se mettait à souffler. Là. Les orgues à vent. Là. Fait que ça part. Fait que ça, c'est venu me chercher tout de suite un mélange des Rolling Stones là-dedans. C'est vraiment fantastique. Il y a une chanson qui s'appelle Hog Calling Contest. Là, ça, on dirait que c'est Les Claypool. On dirait que Les Claypool arrive et dit « Ah, ben moi, je vais jouer de la bass complètement déjantée. » Mais la run de bass là-dessus est absolument fantastique. Wow, c'est extraordinaire. J'adore. C'est super beau. La toune Le Risque, qui est une toune, probablement la toune la plus populaire, puis c'est aussi le premier single qui a sorti. On dirait une espèce de boogie blues à la loulouyouse par bout. Mais faut être ouvert, puis tu sais, veux dire, moi je connais les Beatles, donc c'est le genre de trucs qui viennent plus me chercher, tu sais, puis Flight B-741, on dirait une toune de Dace Frehley, une de mes chansons préférées, Sad Pilot. Moi au début, je pensais que c'était le chanteur de Five Iron Frenzy qui chantait là-dedans, ça c'était un groupe de ska punk. J'ai dit, si ça ressemble à Five Iron Frenzy, mais on dirait que c'est Ambrose, on dirait que c'est lui du keyboard qui chante là-dessus. Quel chanteur, non mais quel chanteur, là, extraordinaire. On dirait un mélange de Black Crowes mélangé avec Faith No More. T'sais, on s'en va tout le temps dans ces genres de trucs-là. Et puis là, King Gizzard ont sorti sur leur chaîne YouTube un petit vidéo qui s'appelle Honk Honk, qui dure 15 minutes, qui c'est des prises de vue de l'enregistrement de cet album, de Flight B-741, un album absolument fantastique. Mais c'est grâce à l'album de Pedro Dragonic que moi, vraiment, j'ai embarqué là-dedans. À partir de là, j'avais dit à des amis, j'ai dit, je penserais pas aller à rebours, tu sais, parce que là, 26 albums, des fois 5 par année, 2 années, 2017-2022, comme je dis, 5 albums, 26 albums en 14 ans. C'est sûr que je pourrais pas faire le tour, puis je sais pas trop par où m'en aller. Fait que j'ai commencé à mettre sur la page de King Gizzard, et puis à commencer à écouter des chansons aléatoires. Donc, il m'en lance souvent, puis j'ai commencé encore plus à m'habituer. Puis de plus en plus à aimer ça. Puis de plus en plus à comprendre le buzz, le gros buzz. C'est un gros jam, là. C'est comme les Doors qui faisaient, ou comme Led Zeppelin. Là, t'arrives en live, puis tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, la toune, elle va durer le double du temps, ça s'en va d'un bord puis de l'autre. J'ai décidé d'aller écouter un spectacle pour quand même, pour ma chronique, pour pouvoir me faire une idée de ce que ça avait de l'air. Fait que j'ai écouté un spectacle qui était à Red Rock, au Colorado. C'est un espèce d'amphithéâtre naturel dehors avec des espèces de bains en ciment en demi-lune, là, un peu comme les anciens amphithéâtres romains. Là. C'est immense, là. Et puis, dans le fond de l'amphithéâtre, c'est un amphithéâtre extérieur, il y a deux gros rochers rouges. Là. C'est pour ça que ça s'appelle Red Rock, la ville où ce qui joue au Colorado. Et puis, le caméraman est sur la scène. Donc, on est en arrière des deux gars, des deux guitaristes en avance, Wick Cook et Stu. Puis là, ils sont là tous les deux. Stu est drôle, il y a une espèce de guitare, là. C'est pas une Flying V, là. Elle est jaune. Là. C'est quand même une Flying U. C'est drôle à dire, là, mais vraiment, en tout cas, je trouve ça lettre, là, mais il y a tout le temps cette espèce de guitare jaune lettre là. Puis là, ils partent le show. Puis là, ils prennent la chanson qui s'appelle Witchcraft, qui est sur Pedro Dragonic, le riff de la chanson Witchcraft. Puis là, ils, deux fois plus lentement, puis détuné. Puis là, ils font exprès pour désaccorder la grosse corde. Puis, je l'ai entendu là, dans des albums. Ils font exprès pour se désaccorder. À aucun bon sens. Fait que là, ils partent avec ce riff-là de même, super lent, en instrumental. La fausse note. Puis là, j'écoute ça. Je dis, aïe, aïe, en partant. Oh, c'est. Ils sont ambitieux, en tabarnak. Puis, ils regardent jamais en arrière, ce gars-là. Ça regarde en avant, ils sont productifs, c'est pas possible. Après ça, il y a eu une chanson chantée par Ambrose, que moi, j'adore sa voix, Ambrose. Il lâche son clavier, puis ça va vers le côté de la scène, il descend de la scène, ça va dans la foule, ça va jusqu'en arrière, la chanson dure 5-10 minutes. Encore un gros jam débile, là, c'est un groupe que j'apprends à connaître de plus en plus. Je suis rendu, je l'écoute à tous les jours, c'est tellement intéressant, puis je me dis que si j'ai beaucoup d'amis qui sont métalleux, comme moi en particulier, ben, l'album Pedro Dragonic Apocalypse pourrait être un album qui pourrait vous faire comprendre le band, comprendre comment ça marche. Si vous êtes plus dans le blues ou dans le rock ou encore dans le je cherche le nom, là, je m'excuse, de folk rock, genre de patente de même. Ben, Flight B-741, c'est pour vous autres. C'est vraiment un album pour vous autres. C'est sensationnel. T'sais, vous le cherchez, c'est quoi, le band présentement, là, qui s'en vient hot, qui va probablement être bigger et de plus gros et de plus en plus gros. Ça va être King Gizzard and the Lizard Wizard. Puis moi, je suis tellement content parce que là, je me retrouve devant une boîte de Pandore. C'est tellement extraordinaire. Tout ce que j'entends, tous les jours, je m'installe en random. Puis là, ah, là, je reconnais une pochette d'album. Ah, cet album-là va être intéressant éventuellement à écouter. Ah, cet album-là pourrait m'intéresser aussi. Là, je suis là-dedans, je suis dans l'apprentissage. Là, j'ai compris, j'ai comme domestiqué ce groupe de sauvages-là qui est King Gizzard. Puis je vous conseille fortement de l'écouter. Puis quand je dis ça, allez pas écouter la toune ou l'album une fois, puis dire « Oh, je veux pas ça ». Non, après au moins 3-4 fois, prenez le temps. Si vous voulez vraiment essayer d'apprivoiser cette bande-là, je vous conseille fortement de l'écouter plus qu'une fois, d'y aller avec les deux derniers. Comme je vous dis, si vous êtes métalleux, c'est Petrodragonic. Si vous êtes plus rock blues, vous allez plus aller avec Flight B 741. Puis, vous allez être servi. C'est un groupe absolument fantastique. Donc, je vous le suggère fortement de porter une écoute attentive à ce band qui, selon moi, va devenir de plus en plus gros et être absolument extraordinaire. Sans vouloir trop en mettre, là, on pourrait dire qu'on est dans le Pink Floyd, là, on est dans des Doors, on est dans des trucs du genre là, très éclatés, très profonds, en même temps drôles. C'est des gars brillants, c'est du monde brillant. C'est... Ils ont sûrement même pas 40 ans encore, fait qu'on a encore beaucoup à apprendre. Puis moi, je vais vous dire, bien franchement, que je m'en vais m'acheter un T-shirt de King Gizzard. Ça, c'est réglé. Je suis un fan. Je le suis devenu. Et je le suis de plus en plus. Puis je vous suggère fortement d'aller écouter ça. Fait que là-dessus, je vous laisse. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre capsule. Ciao, bye!